still dead fart. Je suis punk, de Caroline de Cargario. Nous sommes punk, nous sommes les Sex Pistols. Juin 1977. Lors des célébrations du jubilé d'argent de la reine Élisabeth d'Angleterre, dans un bateau voguant sur la Tamise, un énergumène aux cheveux orange hérissés sur le crâne éructe dans un micro. God save the Queen. Dieu sauve la reine. Fascist regime. Le régime fasciste. They made you Ils ont fait de toi un connard, une bombache en puissance. Dieu sauve la reine. She ain't no human Elle n'est pas humaine. There is no future. Il n'y a aucun futur. In England's dreaming. Dans l'Angleterre des merveilles. Te laisse pas dire ce que tu Don't veux. Be told what you want. Don't be told what te laisse you pas need. Dire ce qu'il te faut. There's no future. No future. Il n'y a no aucun futur. Il n'y a aucun futur. Il n'y a aucun futur pour toi. L'individu, qui se fait appeler Johnny Rotten, est le chanteur du groupe Les Sex Pistols. Le morceau s'intitule « God Save the Queen ». Il a le même titre que l'hymne national, mais pas du tout le même contenu. Shocking. Grâce à une presse ravie d'avoir quelque chose d'inédit à montrer, le monde entier découvre avec stupeur ces images grotesques d'une jeunesse qui a fait de la laideur un idéal, du négatif une valeur positive ou du positif une valeur négative, c'est tout comme. Le punk vient de faire son entrée en fanfare dans les médias et un certain Malcolm McLaren n'y est pas complètement étranger. Ancien étudiant en art, Malcolm McLaren a ouvert en plein Londres un magasin de fripes vite transformé en boutique de créateurs, ou plutôt de créatrices, Vivian Westwood, sa compagne. En 1975, l'endroit est provisoirement appelé « Sex ». C'est aussi le moment où Malcolm McLaren revient de New York. Il est allé y prendre l'air, loin de Vivienne, et accessoirement, il y a ruiné définitivement la carrière déjà chancelante des New York Dolls. Il faut bien dire que relooker les membres du groupe en garde rouge et les faire jouer devant un immense drapeau frappé de la faucille et du marteau, c'était risqué dans un pays aussi anticommuniste que les États-Unis. Malcolm McLaren a pris ce risque et il a perdu. Plus exactement, les New York Dolls sont perdus, car le Britannique, lui, regagne Londres riche, si ce n'est d'argent, du moins d'expérience. Maintenant, il lui faut un nouveau groupe, un groupe à habiller comme on habille une poupée. Souvent dans les contes, ce que le héros est allé en vain chercher à l'autre bout du monde l'attend sagement sur son paillasson. C'est exactement ce qui va se produire pour Malcolm McLaren. En effet, sa boutique est hantée par le jeune Steve Jones, obsessionnel du sexe et kleptomane surdoué. Issu du sous-prolétariat, Steve Jones est mal parti dans la vie. Le mot « cancre » est faible pour désigner le niveau scolaire de ce quasi-illettré qui collectionne les inculpations pour vol. Il n'a encore jamais fait de prison, mais cela ne saurait tarder. Dès 1972, Steve Jones a fondé un groupe avec deux anciens camarades de classe, Paul Cook et Warwick Nightingale D. Wally, le seul un peu musicien des trois. Le groupe a un nom, The Strand. C'est bien, mais c'est peu. Manque par exemple le plus invisible mais aussi le plus indispensable des éléments d'un groupe de rock, le manager. Steve Jones tanne Malcolm McLaren depuis 2 ans déjà pour qu'il s'occupe d'eux. Et maintenant qu'il revient des USA auréolé du titre d'ancien manager autoproclamé des New York Dolls, il n'en a que plus de lustre. De son côté, The Strand a tout pour plaire à McLaren, un groupe jeune, inexpérimenté, en demande, et qui n'a encore jamais donné de concert. C'est la cire vierge avec laquelle l'artiste McLaren va enfin pouvoir bâtir son œuvre. Il commence par les rebaptiser. C'est la naissance des Sex Pistols. Délaissant les poupées, Malcolm McLaren a donc choisi un jeu de garçon, les flingues. Maintenant, le groupe a un nom, et un nom qui sonne cette fois, ainsi qu'un manager. Ne manque plus qu'un chanteur. Or, il y a un jeune mec qui traîne dans la rue devant la boutique Sex, un jeune homme remarquable sous bien des aspects, dont sa couleur de cheveux. Vert, comme ceux de Charles Baudelaire. John Lydon porte les cheveux très longs, jusqu'au moment où son père, un ouvrier irlandais, pourtant peu directif en général, en a vraiment marre et l'envoie chez le coiffeur. Le jeune John, pas content, se fait couper les cheveux n'importe comment et teindre ceux qui restent en vert. J'en suis sorti avec une tête de chou de Bruxelles. Lydon Senior aussi devient vert. Vert de rage, au point de ficher son rejeton à la porte. Quand Bernie Rhodes, qui imprime des t-shirts pour Malcolm McLaren, remarque dans la rue le jeune homme aux cheveux verts, celui-ci arbore un t-shirt Pink Floyd sur lequel « I hate » a été rajouté au marqueur. « Je hais les Pink Floyd ». Cette inventivité graphique plaît immédiatement à Rhodes, lui-même professionnel du genre. Il persuade l'adolescent de 19 ans, aussi timide que provocateur, de venir à la boutique Sex faire montre de ses talents. L'audition est purement formelle. Devant le jukebox de la boutique, il se démène en playback et convainc son public. On est fin août 1975, ils n'en ont pas encore conscience, mais les Sex Pistols ont véritablement commencé à exister. Dès son arrivée, John Lydon se met à écrire des textes et gagne le surnom de Rotten, pourri, à cause de l'état déplorable de ses dents. Aucune sympathie ne se crée entre lui et les autres membres du groupe. Ils sont seulement séduits par son style et son attitude. Pour sa part, John n'a que mépris pour leurs objectifs. Au début, j'ai détesté la musique que faisaient les Sex Pistols. Musicalement, c'était un cauchemar. Ils essayaient tellement de rentrer dans le moule, de suivre une voie bien tracée, bien droite. Moi, je voulais davantage de chaos. Les meilleurs concerts, c'était ceux où tout sonnait faux. Le 6 novembre 1975, soit un peu plus de 2 mois après la rencontre des Sex Pistols avec John Lydon, a lieu leur tout premier concert en première partie d'un groupe de pub rock dénommé Bazooka Joe. Leur bassiste, Adam Hunt, a subi ce soir-là un électrochoc. C'était leur allure. Ils faisaient corps. Ils arrivaient comme un gang, pas comme un groupe. Et ils maltraitaient les instruments. Ils poussaient le son au max. Je me suis dit, fais chier, c'est fini, vous voyez. Ils étaient fantastiques. Du propre aveu de John Lydon, il y a pourtant du travail à accomplir, au moins de son côté. J'avais développé un certain art de mal chanter. Parce que j'avais fréquenté un collège catholique où, dès qu'on repérait un garçon à jolie voix, il était enrôlé dans le chœur. Et on savait ce qui arrivait au gosse qui tombait entre les mains du prêtre. En revanche, l'image qu'il projette sur scène est immédiatement percutante et très éloignée de celle qui accourt parmi les groupes phares du moment. Johnny Rotten, c'est l'évocation d'un démon. Les lèvres pincées, le regard intense, le physique d'un gosse nourri au dioxyde de carbone. Un Pinocchio désarticulé. Sur scène, il ressemble à un diablotin, une marionnette asexuée remuée par des spasmes. Ne regardez pas derrière vous, mais les Sex Pistols arrivent. Avertit Neil Spencer, journaliste au New Musical Express, en préambule au premier article consacré au groupe. Il les a vus en première partie de Eddie and the Hot Rods. Enthousiasmé par cette expérience musicale, avec l'accent mis sur expérience et pas sur musique, il ne citera même pas le nom des Rods dans un papier qu'il conclut par cette citation des Pistols. Nous sommes pas dans la musique, nous sommes dans le chaos. Enfin, il se passe quelque chose, se disent de nombreux jeunes d'un bout à l'autre du Royaume-Uni. Vic Goddard se souvient. On a entendu du bruit, on est entré, et on a vu Johnny Rotten dans le public qui lançait des chaises dans tous les sens. On a trouvé ça vraiment génial. Vic Goddard s'empresse alors de fonder Subway Sect, un groupe plus proche de l'art contemporain que du rock'n'roll, par son refus des harmonies banales et son goût pour le bizarre. Everyone is a prostitute, singing the song in prison. Nobody's Les Pistols jouent pour agresser et non pour faire plaisir à leur public. Ils n'attendent ni amour, ni admiration, ni adulation, bien au contraire. Quand ils se font huer par les spectateurs, Johnny Rotten insulte ceux-ci en retour. C'est nouveau, c'est perturbant, cela rompt avec toutes les traditions du spectacle. Le critique britannique Nick Kent souligne, en parlant de Johnny Rotten, son exaspérante présence au premier plan, vitupérant dans un micro, son aspect malingre et asexué qui renforce paradoxalement le côté menaçant de sa présence scénique. Le réalisateur Julian Temple a ressenti le même choc. À l'origine, j'étais attiré par la férocité et l'originalité des Pistols. C'était plus qu'un groupe, c'était une présence théâtrale sur scène, du théâtre de choc. Il y avait une colère et une force qui semblaient prendre leurs racines dans quelque chose de bien plus ancien que le rock'n'roll. Une attitude qui continue à faire des émules. En 1976, Manchester, située là-haut, dans le nord, à 300 km de Londres, n'est plus qu'une ville fantôme. Chômage, usines désertées et bâtiments ruinés sur lesquels souffle le vent de la désolation. Dans cet endroit qui se vit sans avenir, l'article de Neil Spencer et sa promesse de chaos éclatent comme une bombe. Deux jeunes étudiants, Howard Trafford et Peter McNeish, se ruent à Londres le week-end du 20 février. Ils y prennent la claque de leur vie. Depuis quelques mois, ils tournaient autour de la possibilité de faire quelque chose. Ils ne savaient pas très bien quoi. L'exemple des Sex Pistols leur ouvre une porte. Il faut importer le chaos londonien dans le Nord. Les mois passent et les Sex Pistols continuent de plus belle à transformer leurs spectateurs en musiciens punk. Deux concerts ont suffi pour convaincre les deux nordistes. Il en faut un seul pour convertir John Woody Mallor, le chanteur des 101ers. Ce samedi 3 avril au Nashville, les Sex Pistols passent en première partie du groupe de pub rock. C'est un véritable électrochoc. On jouait Route 66 pour les alcoolos du bar, en plaidant « S'il vous plaît, aimez-nous ». Et voilà que ce groupe se pointe avec une toute autre attitude. On se fout éperdument ce que vous pensez de nous, bande de débiles. Voilà ce qu'on aime jouer et on va le jouer, que ça vous plaise ou non. John Mallor prend conscience d'un sérieux décalage entre son groupe et les Sex Pistols. Peu après, Bernie Rhodes lui présente Mick Jones et Paul Simonon. Il ne faudra pas plus de 3 mois pour que naisse un nouveau groupe, The Clash, et un chanteur, Joe Strummer. Quant à Howard Trafford et Peter McNeish, devenus Howard Devoto et Pete Shelley, ils ont organisé un concert des Sex Pistols à Manchester. Ce sera le 4 juin. Les Pistols, là encore, vont faire des tas d'adeptes. Toute la belle jeunesse de Manchester, une trentaine de personnes, est présente dans la salle. Elle prend la prestation des Londoniens en pleine figure. Bernard Sumner, le futur guitariste de Joy Division, se souvient. J'ai vu les Sex Pistols. Ils étaient effroyables. J'ai trouvé merveilleux. Je voulais me lever et être effroyable moi aussi. Peter Hook, qui sera le bassiste du même groupe, est lui aussi conquis. J'ai trouvé que c'était comme un accident de voiture. C'était violent. On avait envie de tout péter. Johnny Rotten ne s'est jamais senti accepté par les membres fondateurs des Sex Pistols. Afin de remédier à cette situation déséquilibrée, il a donc décidé de se constituer une garde rapprochée. C'est la bande des John qu'il a rencontrée à des moments divers de sa vie et de sa scolarité. Grâce à leur présence, le chanteur des Sex Pistols ne se sent plus tout seul. La bande compte John Gray et John Wardle, dit Ja Wubble, et surtout John Beverly, encore appelé Sid Vicious, du nom du hamster de Rotten. Sid Vicious qui fait sa première apparition dans l'histoire du punk le 29 juin 1976. Ce soir-là, les Sex Pistols se produisent au 100 Club et le critique musical Nick Kent est présent. Il croit voir Malcolm McLaren désigner à Sid Vicious quelqu'un dans l'assistance. Trop tard, il se rend compte que c'est lui la cible. Sid est déjà sur lui, faisant tournoyer une chaîne de vélo qu'il abat avec violence sur le crâne de Nick Kent. À Londres, le 26 novembre, apparaît dans les bacs Anarchy in the UK, le premier 45 tours des Sex Pistols. I am an antichrist. Je suis un antéchrist. I am an anarchist. Je suis un anarchiste. Don't know what I want, je ne sais pas ce que je veux, how to get it. Mais je sais comment l'avoir. I want to destroy the je veux détruire les passants. Because I want to be anarchy. Parce que je veux être l'anarchie. Because I want to be anarchy. Anarchy. I want to be an anarchist. And I get pissed. Destroy. Les paroles ne plaisent pas à tout le monde. Un premier disque qui vient de sortir et une tournée du même nom, Anarchy in the UK, qui démarre le 6 décembre. Pour promouvoir cette double actualité, il est temps que le groupe apparaisse à la télévision. C'est chose faite le 1er décembre dans Today, l'émission de Bill Grundy, un présentateur quinquagénaire. Les Pistols avaient besoin d'un peu de médiatisation. Ils vont être servis au-delà de leurs espérances les plus folles. It's what? Nothing, a rude word. Next question. No, no. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heavens, you frightened me to death. Oh, all right. See, what about you girls behind? I've got your dad, isn't he, this guy? Are you, With your granddad. Are you worried or are you just enjoying yourself? Enjoying myself. Are you? Yeah. That's what I thought you were doing. I always wanted to meet you. Did you really? Yeah. We'll meet afterwards, shall we? You dirty son. You dirty old man. Well, keep going, Chief. Keep going. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. The other rocker, Abel, I'm saying nothing else. J'étais sur le quai, j'allais travailler. Et tous les banlieusards du matin étaient en train de lire les journaux. Les Sex Pistols faisaient les gros titres. Ils avaient dit « enculé à la télé ». Declan McManus, un jeune informaticien qui va bientôt être connu sous le pseudonyme d'Elvis Costello, rapporte le choc ressenti par le Britannique moyen. À une heure de grande écoute, les Sex Pistols ont dit « merde » et « enculé à la télé ». Cette émission est disponible sur Internet. Quand on la visionne, on découvre une réalité un peu différente de ce que la presse écrite s'est fait une joie de relater sous de gros titres tapageurs du genre « l'obscénité et la fureur ». D'emblée, Bill Grundy se montre sarcastique et agressif avec ses invités. C'est à force de les asticoter qu'il réussit à leur arracher les fameuses obscénités. Finalement, il clôt l'interview en proposant un rendez-vous galant à Suzy Sue, une jeune fille de 19 ans venue épauler ses amis les Sex Pistols. C'est là que les garçons finissent par se lâcher, traitant Grundy de vieux dégueulasse. Le standard croule déjà sous les appels de spectateurs scandalisés. Sur le moment, Malcolm McLaren est complètement décomposé. Il croit le groupe fini. Le lendemain, les gros titres des journaux rivalisent dans la surenchère. Le groupe se voit interdit de concert presque partout. C'est plus tard seulement que Malcolm McLaren pensera à prétendre qu'il a orchestré tout ce chaos. Il est même possible qu'il commence à y croire. L'année 1977 ne débute pas mieux que la précédente a fini. Les Sex Pistols ont acquis un rayonnement médiatique sans précédent, mais désormais tout le monde les déteste. Leur impopularité ne cesse de grandir avec l'aide de la presse. The Evening News du 4 janvier 1977 rapporte avec gourmandise combien ils ont révolté les passagers du vol qui les emmenait aux Pays-Bas en vomissant partout à l'aéroport d'Heathrow. Sans être tout à fait fausse, l'information est exagérée, mais elle donne l'occasion à un député conservateur d'adresser une lettre ouverte à la direction de EMI. Pas question de continuer avec un groupe pareil. EMI est d'accord, le contrat entre la maison de disques et les Sex Pistols est dénoncé le 22 janvier. Le groupe est en pleine crise. Les dissensions qui existaient dès le départ entre Johnny Rotten et les autres membres des Sex Pistols viennent d'aboutir à l'éviction du bassiste et principal compositeur, Glenn Matlock. Fin février, il est viré au profit de Sid Vicious, qui n'a jamais touché une basse de sa vie. En revanche, il est un point sur lequel tout le monde s'accorde. L'arrivée de ce dernier au sein des Sex Pistols a encore renforcé l'impact visuel et médiatique du groupe. Leur nouvelle maison de disques, A&M, a prévu de sortir en 45 tours un morceau dont le titre a fait l'objet d'une empoignade entre Johnny Rotten, qui voulait l'intituler No Future, et Malcolm McLaren, qui préfère God Save the Queen. Le manager l'emporte, mais dès le 16 mars, A&M préfère rompre le contrat qu'il a lié au groupe le plus scandaleux du moment, signé 6 jours plus tôt. Du grabuge dans leurs locaux lors de la fête organisée pour la signature et des menaces de mort à l'égard d'un ami du dirigeant ont convaincu celui-ci d'arrêter les frais. Résultat, toujours pas de maison de disques pour les Sex Pistols. Et à peine pressés, des milliers de God Save the Queen sont impitoyablement détruits. Les Sex Pistols n'ont plus beaucoup de choix. Malgré les tentatives de Malcolm McLaren, aucune major ne veut d'eux. Il ne reste qu'une option, qu'il avait écartée en son temps. Signée avec Virgin, le label de Richard Branson, qui traîne une image hippie, inacceptable aux yeux du manager. C'est donc la mort dans l'âme qu'il signe le 12 mai avec Branson. God Save the Queen sort le 27 mai, atteignant officiellement la deuxième place au hit parade. Officiellement parce qu'il y a de fortes chances que le titre ait en réalité atteint la première place. Mais il est bien trop scandaleux aux yeux de beaucoup. D'autant que sa sortie tombe en plein jubilé d'argent de la reine Elisabeth, commémorant ses 25 années de règne. 16 millions de touristes ont accouru du monde entier pour y prendre part. Le 7 juin, le PDG de Virgin organise une fête à caractère privé à bord d'un bateau loué pour l'occasion, qui va et vient sur la Tamise, au niveau du Parlement et de Westminster. La police arraisonne le bateau au moment où le groupe joue Anarchy in the UK en passant devant le Parlement. Plusieurs participants à la fête sont arrêtés et tabassés. Johnny Rotten échappe de peu à la rafle. Le chanteur du groupe a évité les violences policières, mais non celles d'un public rendu furieux par les paroles de God Save the Queen. Dans les jours qui suivent, Johnny Rotten, Paul Cook et des proches du groupe sont victimes d'agressions plus ou moins graves. Les autorités envisagent même à un moment de poursuivre Rotten pour crime de haute trahison. Certes, en 1969, le Royaume-Uni a aboli la peine de mort pour meurtre, mais en 1977, on risque toujours la pendaison pour espionnage, piraterie et haute trahison. Johnny Rotten joue donc sa tête. Les Sex Pistols sont devenus le groupe le plus haï d'Angleterre, l'ennemi public numéro un. Leur disque est censuré sur la plupart des radios. Le groupe est également interdit de concert et doit jouer incognito. C'était Je suis punk, de Caroline de Cargario. 1. Nous sommes punk, nous sommes les Sex Pistols. Avec Elodie Hubert, Romeric Seguin, Mathurin Voltz, Sylvain De Guillam, Vincent Bramouli, Bartholomew Boutelis, Aymeric Le Serre. Équipe de démolition, Emmanuel Chevrière, Éric Villenfant, Laetitia Delgado, Laure Chastan, Jean-Mathieu Zande. Nos Futurs, une histoire du punk, de Caroline de Cargario, est publiée aux éditions Perrin. Punk's Not Dead, à demain.